Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. On va parler avec notre ami Jacques Doucet de baseball. Salut Jacques. Salut Danny. Jacques, évidemment, beaucoup d'experts sont allés en mentionnant que les Twins du Minnesota et les Rays de Tampa Bay sont les équipes surprises. Avec raison, là. Sauf que j'ai pas vu personne parler des Yankees avec tout le nombre de blessures qu'il y a eu cette année. C'est incroyable. Là. Puis les Yankees, à quelque part, il faut les mettre dans les surprises. Ben oui, parce que, écoute, à un certain moment, je pense qu'ils ont encore 13 joueurs sur les blessés, mais avec le retour de Gregorius, ils vont en avoir 12. Là. Oui. Mais à un certain moment, je pense qu'il y a 17 joueurs différents qui sont allés sur la liste des blessés. On a réussi à traverser tout ça. Et sans déprécier le rendement des Yankees, faut dire que les deux premiers mois du calendrier les ont favorisés. Ils n'ont pas affronté souvent des grosses équipes. Là. Oui. Ils ont eu, je pense, une série contre les Red Sox de Boston. Ils ont eu une série contre les Rays de Tampa Bay. Et à part de ça, ils ont affronté des équipes là, vraiment là, qui ne représentaient pas vraiment de très grands défis. Mais n'empêche, puis comme on dit toujours, ils ont battu les gens qu'ils devaient battre. Ben, effectivement. Puis la relève encore cette année, c'est ça la clé. Hein? Les Yankees ont encore un taux de relève très, très, très, très solide. Oui, oui. C'était surprenant qu'ils se fassent battre par les Blue Jays l'autre jour avec des coups de circuit. Oui, effectivement. Mais il faut les mettre quand même quand les grandes surprises. Écoute, il y a des noms, des Jack Voight, des Cameron Maben, LeMahieu. Ça a été toute une acquisition. Oui, là. Effectivement. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, là, c'était une équipe qui est allée chercher un renfort à un poste où ils en avaient vraiment besoin. Et LeMahieu a vraiment répondu à l'appel des Yankees et il se veut une des pièces importantes dans le rouage de cette équipe-là. Oui, effectivement. Je veux te parler aussi de Dallas Keuchel, qui est maintenant, c'est tout indique qu'il s'en va avec les Braves d'Atlanta, un bon coup d'Alexandropoulos. Il y a eu Greg Kimbrel qui a signé également cette semaine. C'est pas l'idéal, pareil, de commencer une saison en plein mois de juin. Hein. Oui, ils ont été à l'entraînement, mais quelque part, ces gens-là, c'est pas une situation de match. Là. Puis, ils vont bien commencer les mineurs un peu. Fait que... Ah oui, il faut qu'ils reprennent un peu le camp d'entraînement. Ouais. Ça va prendre au moins un mois, je pense, avant que les joueurs soient capables de réintégrer la formation des clubs majeurs. Sauf que, dans le cas des Cubs, ou encore le cas des Braves d'Atlanta, c'est pas une situation désespérée. Ils en ont pas besoin, un besoin urgent pour les médias. On peut attendre encore quelques semaines avant de pouvoir compter sur ces ajouts, mais qui seront des ajouts importants. Oui, effectivement. Andrew McCutchen, blessé. Ça, c'est une grosse perte pour les Phillies. Hein. C'est une très, très grosse perte. Ça fait très mal. Écoute, les Phillies ont présentement seulement 2 matchs d'avance sur les Braves. Mais je pense que les deux clubs vont se retrouver dans les séries, ça, sans aucun doute. Les Phillies ont eu la main heureuse. Ils sont allés chercher un remplacement de taille. Et déjà, en l'absence de McCutchen, là, ils s'en ressentent pas trop pour les médias. Oui, effectivement. Jacques, on parlait des Blue Jays un peu. Le fait que Greg Kimbrel a été signé avec les Cubs, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient à l'effet que les Cubs étaient intéressés à Ken Giles. Est-ce que ça veut dire que Giles va rester à Toronto? Parce que c'est quand même un très bon releveur. C'est probablement le seul représentant des Blue Jays au match étoile. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, Giles se valait, un apport très intéressant sur le marché des transactions pour une équipe qui était à la recherche d'un spécialiste des fins de match. Surtout que dans le cas de Giles avec les Cubs, il n'est pas complètement étranger aux joueurs de la Ligue nationale. Mais j'ai l'impression, moi, que Giles, s'il est encore avec l'équipe après la pause du match des étoiles, j'ai l'impression que les Blue Jays vont devoir prendre une décision. Est-ce qu'on lui accorde une extension de contrat? Et pour combien d'années? Ouais. Moi, je le garderais présentement ben oui. avec, avec les Blue Jays, je lui donnerais peut-être une extension de 2 ans, pas plus, peut-être une année d'option, mais à la discrétion de l'équipe. Là. Parce que ça prend quand même des jeunes, ça prend des vétérans pareils. Là. C'est bien beau vouloir changer tout le monde, ça prend quelques vétérans aussi. Là. C'est pour ça que moi, si j'étais les Blue Jays, dans la peau des Blue Jays, je laisserais peut-être partir Jackson, puis j'irais peut-être mettre la main sur un vétéran comme Jake Shields, qui pourrait être un excellent quatrième ou cinquième partant, qui pourrait donner un coup de main aux jeunes lanceurs des Blue Jays là, qui se cherchent encore. Alors, dans le cas de Jake Shields, c'est un gars qui a été un gagnant, c'est un gars qui, même l'année passée, même s'il n'est plus le lanceur, pardon, qu'il a déjà été, tu sais, il a tout de même lancé 200 manches l'année passée, alors c'est un gars à qui tu peux donner la balle à tous les 5 jours et qui va te donner un meilleur rendement que Jackson. Ça va être correct, Edwin Jackson, hein, avec les bougies, on l'a vu, là, c'est correct. Mais c'est parce que présentement, le dilemme auquel font face les Blue Jays, c'est que il y a personne de prêt dans le réseau de filiales pour l'amener. Ouais. Il y a Reed Foley à qui on a donné un essai l'an dernier, mais qui cette année le fout rien là, avec les Bisons de Buffalo. Il y a une moyenne au-delà de 6, si je ne m'abuse. Ouais. Alors, on n'a personne présentement qu'on peut rappeler des filiales et à qui donner la balle à tous les 5 jours à la place de Jackson. Moi, je ne voudrais pas devoir quelques bons éléments du niveau DA être 2A être rappelés immédiatement. C'est ces gars-là, peut-être au mois de septembre, non, laissez-le, il y a deux gars qui sont là, notamment Pearson. Nate Pearson et Patrick Murphy, ce sont les lanceurs. C'est ça, moi je les garderai là jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Complétez votre apprentissage, on vous invitera au camp d'entraînement l'an prochain, puis on verra où on est rendu. Ouais. Parce que si les Blue Jays décident de garder Strowman et Sanchez, ben d'ici 2 ans, ils pourraient avoir 4 lanceurs partants qu'ils ont formés eux-mêmes et qui pourraient être l'envie d'un paquet de clubs. T'as oublié Ryan Barraquet également, qui l'a blessé. Oui, mais Barraquet est encore sur la liste des blessés et on sait qu'il est proche d'arriver. Là. Ouais, mais ça a changé pas mal. Il n'est pas prêt encore. Ça a changé pas mal les affaires ça, cette année. Ça. Parce qu'il a fait le camp d'entraînement commence de plus en plus de bonne heure. Les joueurs, pas en Floride, mais lorsqu'on commence la saison, tu sais, il fait froid. C'est pas le temps idéal. Il pleut, c'est humide. Et c'est propre aux blessures. Et puis, il y a eu tellement de blessures cette année. Et je ne comprends pas encore que l'an prochain, le baseball majeur va commencer sa saison encore plus, à une date encore plus tardive. Effectivement. Jacques, en terminant, je veux te parler de du côté des Blue Jays. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir quand même plusieurs changements d'ici la fin? Ça me surprendrait. Oui. La rumeur veut qu'on a prolongé le contrat du directeur gérant Russ Atkins jusqu'à la fin de 2020. Ouais. Alors, mais présentement, les Blue Jays, ils peuvent pas vraiment bouger. Ils peuvent se compter chanceux qu'ils soient dans la même division que Baltimore. Là. Mais tu sais, dans le moment, la lutte s'est engagée à 3 clubs. Les Red Sox tirent un peu de la patte. On va voir comment Tampa Bay va se comporter dans la prochaine série à Boston. Si jamais Tampa Bay les balayait, là, ça serait désastreux pour l'équipe de Dave Dombrowski. Mais chez les Yankees, on va attendre le retour de Gregorius devrait revenir ce soir. Là, on parle peut-être de Judge à la pause du match des étoiles. C'est de Tulowitzki, je pense pas qu'il revienne. Là. Ouais. On ne sait pas ce qui arrive avec les autres éléments clés qui sont blessés. Et, d'un autre côté, une fois que tout le monde va être en santé, ça veut dire que les gars qui ont mis l'épaule à la roue et qui ont tenu le fort pendant que les gros canons étaient absents vont devoir être mis de côté. Là. Est-ce qu'on va les libérer? Est-ce qu'on va leur leur donner un rôle vraiment de joueur de soutien, mais à l'occasion, parce que quand Judge va revenir, il ne manquera pas trop de matchs. Non, c'est sûr. C'est quand Stanton va revenir, il ne manquera pas trop de matchs non plus. Puis ils ne sont pas à l'abri d'une transaction. Je veux te parler, en terminant, des Nationals de Washington. Dave Martinez, il était longtemps l'assistant à Joe Maddon. Moi, j'étais sûr qu'il allait faire un bon directeur général, un bon gérant, mais je pense que ça ne veut pas dire que c'est pas synonyme de... Un bon adjoint n'est pas nécessairement un bon gérant. Je pense que Martinez s'en rend compte. Auparavant, il était le principal conseiller de Joe Maddon, que ce soit avec les Rays ou avec les Cubs, mais c'est pas lui qui prenait les décisions finales. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de suggestions que Martinez a fait à Joe Maddon que Maddon a accepté. Alors, là, maintenant, c'est lui qui doit prendre les décisions. Oui, il y a des conseillers à son cours, mais la décision finale lui appartient. Et dans le moment, là, tu sais, à 7 matchs la tête, à 6 matchs en bas de 500, si les Nationals ne se réveillent pas d'ici la pause du match des étoiles, j'ai pas l'impression que Martinez va commencer la deuxième tranche du calendrier à la tête de cette équipe-là. C'est dommage parce que s'il y a un bon gars parmi les nouveaux gérants, c'en est un. Ben oui, c'est peut-être trop bon gars. Même là, ça, je lisais un article du de Passion LMB puis il disait ça, c'est peut-être trop un bon gars. Jacques, on se reparle bientôt. C'est ça, à la prochaine, Danny. Jacques Doucet.